ton frère te balance. Motherfuck, merci à ceux qui dans le bis me relance. Je lance une dédicace pour les chiens de la casse. À la tête, les petits te vendent de la coke de Caracas. On se bagasse la tête, tête, pète, sous pète, pète, t'es grossi, pète, tête, tête. Ferme ta gueule si les gueules te pètent, pète. Les fêtes, fêtes, mettre, mettre, mettons. 3, 5, 7, 7, piton. Fais un tête, fiston. Ici le ton monte pour nada. Tous fada, la drogue mon dada. C'est là dans le Prada. Les petits font des temps pleins. Saute comme sur un tremplin. Dans la merde, on est trop plein. Ici c'est chaud, j'compte plus mes frères enfermés dans ce putain de cachot. Facho, on est tous fâchés. Fils de pute, y'a tant de vie gâchée. Vivons heureux, vivons cachés. Tout arraché à l'instinct. Coke dans l'intestin. Tous illicites, intestin, il en reste plein. Fils de tapin, on est tous en loup. Ici tous loups, même ta sœur la pute à salou. C'est salaud, j'veux le gros lot. Va faire en coulot, j'y vais au culot. Toujours au boulot, au coulot. J'bois le whisky, depuis petit les villes. Si je vais ski, j'fume comme Sabienski. Husky, pareil t'as su, c'est pour percer. La vie c'est comme le TRC. Husky, pareil t'as su, c'est pour percer. N'oublie pas, la vie c'est comme le TRC. Percé par la rue, qu'est-ce t'as cru. Ici c'est cru, ça pue, entre frères ça se tue. T'as vu, ce qui se passe dans nos tours. Les petits se font péter, chacun leur tour. Ce qui se passe dans nos tours. Les petits se font péter, chacun leur tour. Pour le joint dit, père mes frères ont condi. Faut que les condis, peu importe ce qu'on dit, faut pas tomber. Passe à plomber pour que dalle. Même les carrés à la tête, son instinct animal. On a la dalle, le mal par le mal, c'est le quotidien. Un rien peut-être fatal, même bien, on est en chien. J'ai le cœur sur la main, métro nous trahissent. On se crée, nous haïssent, nous tape du vistaf pour la police. J'suis pas biche, mais j'pisse dans leur bouche. J'crête comme un guindouche, j'encule la halouche comme un manouche. On se couche une fois pété. En vérité, y'a que quand j'ai fait pleurer ma mère que j'ai regretté. On se couche une fois pété. En vérité, y'a que quand j'ai fait pleurer ma mère que j'ai regretté.